puis elle demeura immobile, la joue contre la joue de son fils, sentant, à travers sa barbe, la chaleur de sa chair. Elle lui dit tout bas, dans l'oreille, « Non, mon petit Jean, tu ne me pardonnerais pas demain. Tu le crois, tu te trompes. Tu m'as pardonné ce soir, et ce pardon-là m'a sauvé la vie. Mais il ne faut plus que tu me voies. » Il répéta, en l'étreignant, « Maman, ne dis pas ça !»« Si, mon petit, il faut que je m'en aille. Je ne sais pas où, ni comment je m'y prendrai, ni ce que je dirai, mais il le faut. Je n'oserai plus te regarder, ni t'embrasser, comprends-tu » Alors, à son tour, il lui dit tout bas dans l'oreille, « Ma petite mère, tu resteras, parce que je le veux, parce que j'ai besoin de toi, et tu vas me jurer de m'obéir, tout de suite. »« Non, mon enfant. Oh, maman, il le faut, tu entends, il le faut. »« Non, mon enfant, c'est impossible. Ce serait nous condamner tous à l'enfer. Je sais ce que c'est, moi, que ce supplice-là depuis un mois. Tu es attendri, mais quand ce sera passé, quand tu me regarderas, comme me regarde Pierre, quand tu te rappelleras ce que j'ai dit. Oh, mon petit Jean, songe, songe que je suis ta mère. Je ne veux pas que tu me quittes, maman, je n'ai que toi. Mais pense, mon fils, que nous ne pourrons plus nous voir sans rougir tous les deux, sans que je me sente mourir de honte, et sans que tes yeux fassent baisser les miens. Ça n'est pas vrai, maman. Oui, oui, oui, c'est vrai. Oh, j'ai compris, va. Toutes les luttes de ton pauvre frère, toutes, depuis le premier jour. Maintenant, lorsque je devine son pas dans la maison, mon cœur saute à briser ma poitrine. Lorsque j'entends sa voix, je sens que je vais m'évanouir. Je t'avais encore, toi. Maintenant, je ne t'ai plus. Oh, mon petit Jean, crois-tu que je pourrais vivre entre vous deux? Oui, maman. Je t'aimerai tant que tu n'y penseras plus. Oh, comme si cela était possible. Oui, c'est possible. Comment veux-tu que je n'y pense plus entre ton frère et toi? Est-ce que vous n'y penserez plus, vous? Moi, je te le jure. Mais tu y penseras à toutes les heures du jour. Non, je te le jure. Et puis écoute, si tu pars, je m'engage et je me fais tuer. » Elle fut bouleversée par cette menace puérile et étreignant en le caressant avec une tendresse passionnée. Il reprit. « Je t'aime plus que tu ne crois, va. Bien plus, bien plus. Voyons, sois raisonnable. Essaie de rester seulement 8 jours. Veux-tu me promettre 8 jours? Tu ne peux pas me refuser ça. »